parisien. Couronne parisien. Couronne parisien. Homie, moi j'ai fait carrière dans la chanson triste. J'casse la classe comme une caillasse ou un cric. J'nique tout sans délai, chante au style, pendez-les. J'crois j'suis trop petit pour la chaise électrique. Sale magnifique, j'suis trop tard pour les vies. J'suis un boss pas en place, non j'achète pas les vies. 4 ans sans album, les dealers cagoulés me reconnaissent. J'attire les rumeurs, les meufs bien et les connasses. Dormir j'ai pas le temps, j'suis un putain de battant. Ouais j'paye personne mais j'suis un putain de patron. J'fais de la violence haute gamme. J'ai deux couilles, un enfant, tous les autres sont morts et tout fait dans des podcasts. Chaque crime, mon chaque crime, une dinguerie. Tu me chaque crime, t'es flingué mais vivant, une dinguerie. Les radios nous ignorent, les télés nous salissent. J'ai Guélard, trop d'olivettes pour être un putain de socialiste. Publiquement je les mords comme les vautours. J'ai brûlé la photo d'une ex, elle est revenue. Putain on dirait du vautour. T'es à genoux devant personne, c'est que tu t'excuses, tu brilles. T'es à genoux devant un homme, c'est que tu suces une bite. Je mange pas de porc, mais en amour, je suis un cochon. En amitié, je suis transparent comme un putain de pochon. T'es suffisamment âgé pour que tu pisses le sang. J'entends encore les rageux, vas-y, pousse le son. Opportuniste qui ne l'est pas, la vie c'est du vice dès le départ. Mes couplets, couplets têtes, c'est des têtes à tête dans lesquelles personne ne sépare. Trop d'images, un vrai ciné, je me balade dans la marque de faire chiner. Viens que je te palave. J'ai un ennemi, il me déteste beaucoup trop. Il kiffe le foot, les armes aussi, beaucoup trop. J'suis sûr que si une balle me traverse la poitrine, il va crier waouh, beaucoup trop. J'suis bouillant de l'eau chaude, j'suis tranchant. Album ou pas, on parle de moi, j'suis trop chaud. Montre pas ton bif, sinon on braque. Indépendant des biffés, maman c'est au bras. Ou tu risques la chute, ou tu restes en bas. J'manque au rap français, ils se grattent l'avant-bras. Les jeunes me comprennent même sans bafa. Je hais l'injustice comme je hais le gynécologue de J'ai un cœur en or des relations d'argent. J'suis rentré dans le game insultant monsieur l'agent. Cherche un avocat, même sans vendre de coke. C'est par des faux gars, le sujet est clos. On est capé par la rue, n'oublie pas on est des vrais. J'pousse les levels, shoot mes défaites. Bouge-toi le cul, tu captes pas Paris. T'es proche des Qataris, on est capé par la rue. Meister. Il m'appelle le philosophe du ghetto. J'pois la tienne. J'voulais qu'il retienne. Que nique ta mère est une insulte freudienne. Couronne parisienne.